vous n'avez pas réussi à atteindre le bonheur avec les livres Le pouvoir du moment présent, Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard ou encore Lâcher prise, dire oui à la vie, essayez plutôt mon nouveau livre Le bonheur à portée de main en lâchant prise dans le temps présent, vraiment très présent. Grâce à de nombreux exercices quotidiens, vous accéderez instantanément au bonheur en étant vraiment dans le temps très présent. Là, par exemple, vous êtes dans le passé. Je le vois parce que vous avez du ressentiment envers votre mère qui ne vous avait pas acheté cette deuxième glace à la fête foraine quand vous étiez petit. Avancez, voilà. Ah non, là, vous êtes allé trop loin et vous êtes un chouille dans le futur. Vous allez fantasmer des choses que vous n'atteindrez jamais et vous allez angoisser de ne pas les atteindre. Alors, on recule, mais pas trop, doucement. Non, doucement. Doucement, je vous dis! Non mais c'est pas vrai, ça, j'ai dit doucement! Vous êtes presque retourné dans l'utérus de votre mère, vous allez encore nous bassiner les oreilles sur le cordon ombilical qui a pas été coupé, gna gna gna, et c'est la faute à ma mère, elle était pas gentille avec moi, gna gna gna! Non mais bon Dieu, c'est simple, non? On vous a dit le temps présent! Vous commencez à me saouler, là! Allez vivre en Syrie, vous allez voir, vous allez les relativiser vos petits problèmes, je vous le dis, moi! Tocard! Pour atteindre le bonheur instantanément, courez acheter le nouveau livre de François Pernaut, Le bonheur à portée de main en lâchant prise dans le temps présent, vraiment très présent. Ça n'a pas super marché pour lui, mais l'argent du livre fera sans doute son bonheur.